De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Comme plusieurs s'en souviennent, le virus Ebola a déclenché une épidémie en décembre 2013 au sud-est de la Guinée, avant de s'étendre au Libéria et en Sierra Leone. Pour la première fois depuis sa découverte en 1976, le virus a entraîné une contamination à l'extérieur de l'Afrique centrale et hors du continent africain. Existe-t-il des traitements ou des vaccins contre cette maladie? Pour nous en parler, je reçois Bruno Gaillet, professeur et directeur au département de génie chimique de l'Université Laval. Bonjour Bruno. Bonjour François. Alors Bruno, si on commençait par faire un retour sur l'épidémie de 2014, cette épidémie a touché beaucoup de pays et beaucoup de gens. En fait, ça a touché à peu près 20 000 personnes ont été à peu près infectées par le virus Ebola. Il y en a 11 300 qui sont décédées. Mm-hmm. Donc le taux de mortalité est quand même assez élevé. Ce qu'il faut savoir également, c'est que suite à la pandémie, ce qu'on appelle l'outbreak en anglais, on n'a pas beaucoup parlé du devenir des gens qui étaient infectés par le virus Ebola. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande problématique associée à ça. C'est que les gens qui ont été infectés, qui maintenant sont de retour dans leur maison, dans leur Donc foyer... les survivants. Les survivants, en fait, sont très stigmatisés par la population locale. Et également, ce qu'on a constaté, c'est que certaines de ces personnes-là pouvaient constituer des réservoirs à virus. On a constaté des accumulations de certains virus dans l'œil, au niveau de la peau. Donc ça pourrait engendrer une résurgence du virus. Donc c'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui est en fait pris très sérieusement en considération par les organismes tels l'OMS. Là, donc il faut faire très attention à ça. Là. OK, donc à ce moment-là, ça veut dire qu'ils sont encore porteurs du virus. Certaines personnes sont encore porteurs du virus. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, c'est du cas par cas. On ne connaît pas encore très très bien non plus la maladie, là, mais c'est quelque chose en fait qui est très très très étudié en ce moment. Là. Mais est-ce que ces gens-là sont en fait, est-ce qu'ils peuvent contaminer la maladie à d'autres personnes? On ne sait pas pour l'instant. Okay. On sait juste qu'on a détecté certains gènes de virus à l'intérieur de ces personnes, dans des organes en particulier. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup plus d'études à ce sujet. Là. OK. En fait, l'épidémie s'est quand même étendue à plusieurs pays. On parle du Nigeria, le Mali, les États-Unis, le Sénégal. C'est même allé jusqu'en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie aussi. Oui, ça a pas mal voyagé, je dirais, le virus, là, surtout à l'extérieur via les travailleurs humanitaires. Donc, il y a eu quelques contaminations de personnes à l'extérieur de l'Afrique. Et encore même récemment, on en a entendu parler, par exemple, au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, où il y aurait eu un cas éventuel d'infection par le virus Ebola d'un personnel... Qui arrivait d'Afrique, probablement? Non, même pas. En manipulant le virus Ebola à l'intérieur du laboratoire de niveau 4, où il y aurait eu une contamination qui aurait été contrôlée. Donc c'est quelque chose à faire très très attention. Là. Il est en dormance, mais il pourrait se réveiller très vite. Oui, c'est un fait. Et il y avait aussi quelques cas, je pense, d'infirmières aux États-Unis qui avaient été infectées aussi, je crois. Oui, c'était la première fois qu'on avait répertorié des cas d'Ebola, aux États-Unis. Donc ces personnes-là ont été prises en charge et ont été traités par la suite. Là. Alors, en fait, les survivants s'en sont sortis, ils sont encore porteurs, en fait, certains sont encore porteurs, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils peuvent avoir une vie active aujourd'hui? Il y a beaucoup de séquelles. Il y a beaucoup de séquelles? Il y a beaucoup de séquelles, à peu près 70% des personnes demeurent de lourdes séquelles, que ce soit des saignements, des douleurs articulaires, douleurs musculaires, beaucoup de difficultés à retourner à la vie active, mais c'est surtout, comme je dis, la stigmatisation au niveau social. Beaucoup de femmes, par exemple, se sont fait répudier par leur mari. Okay. Parce que c'était considéré comme mal. Donc il y a plusieurs cas comme ça en Afrique qui ont été répertoriés. Là. Et est-ce qu'il y a une partie de la population qui est, je dirais, naturellement immunisée contre cette maladie, comme ça a été le cas avec le VIH chez les prostituées de Nairobi? Est-ce qu'on a trouvé des gens qui étaient naturellement immunisés contre le virus Ebola? Il y a des personnes qui sont moins à risque dans certains pays, mais pour l'instant, j'ai pas plus de données que ça par rapport à l'immunisation naturelle contre le Ebola. Là. Mais il y a certains cas qui ont été quand même répertoriés. Là. Et au moment où la maladie a éclos en Afrique, est-ce qu'il existait des traitements ou encore des vaccins, soit à l'étude ou encore qui étaient sur le marché? Ce qui est assez amusant, si vous me permettez l'expression, c'est que le vaccin le plus prometteur en ce moment contre Ebola a été développé il y a à peu près une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années à Winnipeg, au Laboratoire national de microbiologie, par l'Agence de santé publique du Canada. La seule chose, c'est que c'est resté en dormance par manque de financement. OK. Mais ce vaccin-là a été développé il y a à peu près une dizaine d'années. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti suite à la pandémie. Là. Il était dans les frigos à Winnipeg, mais c'est juste par manque de financement, parce qu'Ebola, à l'époque, ce n'était pas à la mode. On n'entendait pas parler. Uh-huh. Suite à la résurgence d'Ebola, on commence à se réveiller. Et là, bien entendu, le financement a commencé à repartir de nouveau. Et on est reparti sur le développement d'essais cliniques à partir de ce vaccin-là. Mais est-ce que le vaccin qui a été développé il y a 15 ans était efficace ou Oui, c'est le même. C'est le même? C'est le même. Donc, ce qui a été fait, en fait, c'est un vaccin en fait, qui repose sur l'utilisation d'un virus atténué. C'est un virus qu'on rencontre souvent chez le bétail. C'est ce qu'on appelle le virus de la stomatite vésiculaire, donc on l'appelle de son petit nom le VSV. Donc c'est un virus, en fait, tout virus comporte en fait un génome, puis autour il y a des protéines pour le protéger, puis de temps en temps il y a certaines autres protéines qui entourent tout ça, ce qu'on appelle l'enveloppe. Okay. Donc pour le virus Ebola, c'est un virus enveloppé, donc il possède une enveloppe, donc il y a une protéine bien spécifique à sa surface, et on se sert de cette protéine-là pour développer des vaccins. Donc, par exemple, pour le virus VSV, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé la protéine d'enveloppe du VSV et on l'a remplacée par celle d'Ebola, qui en fait on appelle la protéine GP. Et ensuite, à partir de ce virus-là modifié, on l'injecte chez les patients pour ensuite en faire un vaccin. Donc, ça n'a pas vraiment d'effet secondaire, un petit peu de douleurs musculaires, mais pas plus que ça. Elle est quand même bien tolérée par les patients. Il engendre quand même une protection de l'ordre de presque 100%. Là. Donc c'est le premier produit qui marche vraiment et qui va être approuvé, je pense, très prochainement aux États-Unis. Il y a eu des essais cliniques de phase 3 qui ont eu lieu, qui ont été très très concluants. Et ce produit-là va être approuvé par l'équivalent de Santé Canada, mais aux États-Unis. Là. Mais Bruno, comme vous disiez tout à l'heure, ce vaccin-là avait été étudié il y a 15 ans. Pourquoi est-ce que, lorsqu'il y a eu l'épidémie, est-ce qu'on n'a tout simplement pas ressorti des... pour enrayer l'épidémie, justement, en Afrique? Justement, quand tu as l'épidémie, le vaccin est trop tard. Ce qu'il te faut, c'est un traitement in situ lorsque l'épidémie arrive. Il y a un traitement in situ qui a été développé, mais plus tard, au moment de la pandémie. C'est à base d'anticorps monoclonaux. Okay. Tu injectes des anticorps chez ton patient, et ensuite, tu as une réaction. L'anticorps neutralise le virus Ebola, et ensuite, tu as un taux de survie chez le patient. Donc ça, c'est un anticorps qui a été développé également à Winnipeg, qu'on appelle le ZMAP. C'est un cocktail de 3 anticorps monoclonaux. Ça semble fonctionner. Il y a des essais cliniques qui sont en cours. Le problème, c'est la dose d'anticorps qu'il faut utiliser par patient. 10 grammes par patient. 10 grammes par patient? 10 grammes par patient. Ça me paraît énorme. Hein? C'est énorme. Et à peu près, le coût du traitement, ça reviendra à peu près à 100 ou 200 000 $ par patient. Oh là là! Et ça, on considère que ce traitement-là est destiné à l'Afrique. Ouais. Donc, c'est problématique. Là. Donc, c'est un traitement qui peut fonctionner, mais dont le coût, en fait, on ne sait pas trop qui va assumer les coûts de ce traitement-là. Mais ça, c'est uniquement, on va dire, lorsqu'on est infecté. Lorsqu'on veut aller en prévention, il ne faut plus y aller avec le vaccin. Donc, le vaccin qui avait été développé il y a 10 ou 15 ans, pourquoi il n'y avait pas eu de plus de développement? Parce qu'il manquait de financement, donc les essais cliniques n'avaient pas eu lieu. Oui, mais on n'aurait pas pu les faire justement en 2014, lorsqu'il y a eu éclosion de la maladie. Ça a commencé les premiers essais cliniques en 2014, okay. Mais ça prend du temps à faire. Okay. Et il y a un microbiologiste très connu du nom de Carrie Gobenger qui a travaillé sur le développement de ce vaccin, n'est-ce pas? Et qui est rendu maintenant à Québec au Centre d'infectiologie, je crois. Oui, c'est ça. Il a travaillé pendant plusieurs années à Winnipeg. Justement, c'était lui qui était le responsable du Laboratoire national de microbiologie. Et maintenant, en fait, il travaille comme directeur du Centre de recherche en infectiologie au CHUL. Donc, moi-même, je travaille beaucoup avec lui, je collabore avec lui sur différents projets, notamment un qui consiste à développer un traitement à base des anticorps ZMAP en combinaison avec certains virus pour développer une approche qui sera un petit peu moins coûteuse que celle qu'utilise en ce moment avec les anticorps ZMAP seulement. Là. D'accord. Et quand des chercheurs trouvent une molécule ou un vaccin contre une maladie comme l'Ebola, est-ce qu'il y a des défis à relever pour arriver à les produire à grande échelle? Parce qu'a priori, ça semble bien simple. Quand on peut le faire dans une éprouvette, ça peut se faire en grande échelle. Ah ouais, en éprouvette, c'est toujours très facile. Mais lorsqu'on veut produire du matériel destiné, on va dire, à du clinique, à l'humain, Ben là, il faut aller dans des infrastructures, en fait, un peu plus poussées. Et le problème, c'est qu'on n'a pas ces cette infrastructure-là au Canada. Donc, on est obligé de faire affaire aux États-Unis, où là, ça coûte excessivement cher. Donc, un des défis, que ce soit pour la production de n'importe quel type de biomolécules, pour n'importe quel chercheur, c'est d'avoir cette infrastructure-là au Canada. Et pour l'instant, on n'en a pas. Donc, il y a différentes demandes qui sont faites auprès du gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, pour financer ce type d'infrastructure-là. Donc, c'est bien bon, on aura beau avoir toutes les meilleures molécules au monde, mais si on n'est pas capable d'avoir une installation pour en produire en quantité et en qualité, on ne pourra pas faire d'essais cliniques. Mais je pensais qu'à Québec, on avait justement des infrastructures développées pour faire des vaccins à Québec même. Il y a certaines compagnies, certaines usines, mais pour l'état de la recherche en tant que tel, il n'y a pas d'infrastructure pour ça. OK, je comprends. Et qu'est-ce que les autorités sanitaires ou encore les gouvernements devraient tirer comme conclusion après un tel événement qui, dans le fond, aurait pu être aussi beaucoup plus grave au final? En fait, ce qu'ils auraient pu en tirer, c'est toujours la prévention. Prévenir, au lieu de réagir uniquement lorsque le phénomène arrive, c'est comme ils avaient fait en fait avec le vaccin pour Ebola, il a été développé il y a 10 ans. Donc en prévention, toujours essayer d'investir dans la recherche pour essayer, pour développer des vaccins. Comme ça, quand il y a un problème qui arrive, on est prêt puis on peut réagir tout de suite. Oui, effectivement. Alors espérons que certains sont à l'écoute. Merci Bruno Gaillet. Je rappelle que vous êtes professeur et directeur au département de génie chimique à l'Université Laval. Merci François. Merci.